Chapitre 14e, le comte Pateroff et sa sœur. Au bout de quelques semaines, pendant lesquelles Harry avait été à Clavering et de retour à Londres avait repris ses occupations à la Delphi, le comte Pateroff passa de nouveau chez lui. Mais en ce moment-là, Harry se trouvait à son bureau. Il rendit promptement cette visite à l'adresse indiquée de Mount Street. Il apprit de la servante que Madame était visible, ce qui lui donna à penser que le comte était marié. Mais comme il ne voulait pas s'imposer à Madame, il se contenta de laisser sa carte. Néanmoins, il tenait sérieusement à cette entrevue. Ayant été récemment admis dans un club choisi, distinction dont il était fier, il écrivait au comte pour l'inviter à dîner au Beaufort Club. Il lui disait qu'il y avait une salle pour les étrangers, ce que le comte savait du reste, ayant maintes fois dîné dans ce club. Il ajoutait que ce serait un petit dîner pour deux qui leur permettrait de causer plus à leur aise. Pateroff accepta cette invitation, et Harry, qui ne s'était jamais trouvé dans pareil cas, se sentit fort embarrassé quand il fallut commander son dîner. Le comte arriva à l'heure dite et se présenta lui-même à Harry. Celui-ci s'attendait à voir un étranger de belle tournure, aux cheveux noirs, aux favoris soignés et probablement au nez aquilin, âgé d'environ 40 ans, mais grâce à l'art du parfumeur, paraissant plus jeune de 10 ans. Mais son hôte ne répondait en rien à cette description. L'âge du comte était en effet incertain. Et rien ne pouvait guider un étranger dans ses conjectures à son égard. Mais sur tous les autres points, Harry s'était trompé. Le comte était blond, avait le teint clair, la face large et les yeux d'un bleu très clair. Son front était bas, mais large. Il n'avait pas de favori, mais une épaisse moustache complètement blanchie par les années et qui pourtant ne le vieillissait pas. Agile et bien pris, il était large d'épaule et un peu au-dessous de la taille ordinaire. N'eût été l'aisance achevée de ses manières et une certaine vivacité mobile dans son regard, on l'eût pris facilement pour un Anglais. Son accent trahissait à peine son origine étrangère. Harry, sachant qu'il était étranger, remarqua quelques petites particularités dans ses expressions, mais c'était tout. « Je regrette, dit-il à Harry, en lui serrant la main, que vous vous soyez ainsi dérangé pour moi. » Clavering répondit qu'il ne s'était pas dérangé, et qu'il eût été heureux de le faire pour obéir au désir de son ami Lady Ongar. S'il eût été polonais, Harry aurait ajouté qu'il se serait aussi volontiers dérangé pour faire la connaissance du comte, mais avec sa simplicité anglaise, il n'eut pas l'idée de dire au comte cette gracieuseté. Celui-ci remarqua cet oubli, sourit et s'inclina. Puis il parla de la pluie et du beau temps et dit que Londres était une ville magnifique. Il connaissait bien cette ville. Sa première visite remontait à 20 ans. Depuis 15 ans, il était membre du club des voyageurs. Il aimait tout dans la vie anglaise, tout, excepté la chasse. Passe pour une heure ou deux, c'était tout ce qu'il pouvait faire. Mais un Anglais en chasse faisait du plaisir un travail et s'y donnait corps et âme comme s'il s'agissait de son honneur et de sa vie. Malgré tout, il avait souvent souhaité d'être un Anglais. Là-dessus, il haussa les épaules. Harry n'avait qu'un désir, c'était d'amener la conversation sur Lady Ongar, mais il ne savait comment s'y prendre pour prononcer son nom. Le comte, qui était venu le trouver de la part de Lady Ongar, aurait dû être le premier à la nommer. Mais au lieu de cela, il dînait avec appétit, sans paraître même y songer. À cette époque, il était revenu d'Ongar Park, où sa visite avait été peine perdue, mais il se garda bien d'en parler à Harry. Son dîner seul paraissait l'occuper. Quand arriva le moment de boire les vins, il dit à Harry que le club était renommé pour un certain vin de la Moselle. Harry s'empressa d'en commander, tout en paraissant surpris que cet étranger connût mieux que lui son propre club. « Vous ne restez pas ici après dîner, je suppose, » dit le comte après le rince-bouche et après avoir soigneusement essuyé sa moustache. « Ce qui me plaît dans ce club, c'est que nous autres étrangers nous y trouvons un fumoir des plus agréables. » Il vint aussitôt à l'esprit de Harry que dans le fumoir il n'y aurait pas moyen de causer en particulier. Déjà 3 ou 4 individus avaient parlé au comte, et il était évident que beaucoup de gens le connaissaient. Il serait bien malheureux d'avoir offert un dîner à Pateroff sans avoir réussi à lui arracher un mot au sujet de Lady Ongar, mais c'était précisément ce que désirait le comte. Pour délier la langue de son commensal, Harry offrit une bouteille de claret. Pateroff accepta aussitôt, en exprimant sa préférence pour le Lafitte de 1851. Harry s'empressa de satisfaire son désir, et tout en remplissant son verre, il se demandait comment il pourrait bien amener la conversation sur le sujet qui l'intéressait. « Vous avez connu Lord Ongar sur le continent ? » dit-il enfin. « Lord Ongar, bien certainement. Je l'ai connu ici, il y a bien longtemps, puis je l'ai revu à Vienne. Je l'avais vu très jeune à Saint-Pétersbourg. Quand je fis sa connaissance en Russie, il était attaché à l'ambassade anglaise sous le nom de Frédéric Corton. Son père, Lord Corton, était alors vivant, ainsi que son grand-père. C'était un garçon qui avait fort belle mine à cette époque. S'il avait eu belle mine, il avait dû changer beaucoup quelque temps avant l'époque de sa mort. Le comte ne répondit à cette remarque que par un haussement d'épaule et un imperceptible sourire. « D'après tout ce que j'ai entendu dire, reprit Harry avec chaleur, il était devenu une ignoble brute après son mariage. Le fait est qu'il n'était pas commode pendant sa maladie à Florence. Lady Ongar a dû mener une vie affreuse auprès de lui. Le comte haussa de nouveau les épaules, secoua la tête et ajouta. Elle savait bien que ce n'était plus un Adonis à l'époque où elle l'épousa. Un Adonis, non, assurément, elle ne comptait pas trouver un Adonis, mais elle espérait trouver en lui l'honneur et les sentiments d'un gentleman. Elle a été désappointée, cela va sans dire. Il aimait trop le vin, vous le savez, et le Lafitte ne lui suffisait pas. C'était là le grand défaut de Lord Ongar. Tout le monde le savait pendant les 10 dernières années de sa vie, et nul ne le savait mieux que Hugh Clavering. Mais, dit Harry, il s'arrêta tout court. Ce n'était pas là ce qu'il aurait voulu apprendre du comte. Il avait espéré que celui-ci amènerait le premier la conversation sur Lady Ongar et sur ce qui s'était passé à Florence, mais celui-ci ne paraissait nullement disposé à le faire. « Allons-nous bientôt allumer nos cigares ? » dit-il à Harry. « Dans un moment, si vous voulez bien. Assurément, rien ne nous presse. Vous ne voulez plus de vin ? Non, pas davantage. J'ai une question particulière à vous adresser au sujet de Lady Ongar. J'en dirai tout le bien que vous voudrez. Je suis toujours disposé à dire du bien d'une femme, et s'il le faut, à l'affirmer sous serment. Mais jamais personne ne m'a entendu médire de quelque femme que ce fût. » Harry comprit le reste qu'un pareil préambule ôtait toute autorité aux assertions du comte. Certaines gens nient une chose, mais en le faisant, vous donnent à entendre qu'ils se croient le droit de mentir à cet égard impunément. Un homme dit par exemple « Ce n'est pas moi qui ai fait ce livre, mais cela ne vous regarde pas et si je l'avais fait, je le nierais tout de même. » Paterov s'exprimait de la même façon au sujet de Lady Ongar. « Je ne vous demande pas, reprit Harry, d'en dire aucun bien, ni aucun mal non plus. Je n'en dirai certainement point de mal. Vous savez sans doute qu'elle a été odieusement traitée. Mais elle a maintenant 7 000 livres sterling de rente. 7 000 livres, pour une femme seule, et une belle résidence. Une demeure splendide, à ce que j'ai entendu dire. Mais ce n'est pas la question, reprit Harry. Sur quoi le comte haussa de nouveau les épaules ? Parce qu'un homme est riche, il n'a pas pour cela le droit de maltraiter sa femme. Ne l'a-t-il pas faussement accusée, afin de pouvoir lui ravir après sa mort cette fortune que vous prisez tant ? N'a-t-il pas rendu de faux témoignages contre elle au détriment de son propre honneur ? Enfin, elle a son argent et cette belle résidence. Mais elle a vu son nom couvert d'infamie. Qu'est-ce que j'y puis faire ? Pourquoi me demandez-vous tout cela ? Je ne sais rien, absolument. Écoutez-moi, monsieur Clavering, si vous voulez avoir des renseignements, vous ferez bien de vous adresser à ma sœur. Je ne vois pas trop à quoi cela peut servir, mais elle causera avec vous des heures entières, pour peu que vous y teniez. Allons fumer un peu. Votre sœur, dites-vous. Oui, ma sœur. Elle se nomme Madame Gordeloup. Lady Ongar ne vous a-t-elle pas parlé d'elle ? Ce sont deux amis inséparables. Ma sœur demeure de Mount Street. Avec vous ? Non, je ne demeure pas dans cette rue, mais je donne parfois mon adresse dans cette maison. Madame Gordeloup, dites-vous. Voulez-vous me présenter chez elle ? Oh, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous présenter chez elle, elle en sera enchantée. Voici sa carte. Maintenant, allons fumer. Harry ne pouvait sans inconvenance insister davantage. Il se leva et précéda le comte dans le salon des fumeurs. Ici, le comte se sépara bientôt de son jeune ami, dont la conversation commençait à lui peser, et il se mit à causer avec diverses personnes de sa connaissance. Harry s'aperçut tout de suite que son hôte n'avait nul besoin de lui. Il retourna dans son appartement de Bloomsbury Square, on ne peut moins satisfait de sa nouvelle connaissance. Le lendemain, il dîna à Hounslow Crescent, chez les Burton, et il se garda bien de dire un mot au sujet de Lady Ongar ou du comte. Sans avoir aucune raison particulière pour se taire sur cet incident, il croyait que les Burton vivaient dans un monde trop éloigné de celui de Lady Ongar pour qu'il fût à propos de leur en parler. Il se trouvait être en rapport avec deux classes de la société fort distinctes. Il ne lui venait pas à l'esprit que la classe de Lady Ongar fût préférable. Mais encore valait-il mieux ne pas se targuer de ses relations avec elle. Sans doute il avait mis Florence au fait de son premier amour pour Julie Brabazon, mais il ne jugea pas à propos en lui écrivant de parler du comte Pateroff et du dîner qu'il avait offert au club. Il ne parla pas davantage à sa chère amie Cécilia. Pendant cette soirée, il n'en passa pas moins fort agréablement son temps, jouant avec les enfants, causant avec la mère, et recevant de bonne humeur les plaisanteries et les reproches de Théodore Burton, ce laborieux négociant qui lui répétait sans cesse qu'il n'était bon qu'à vivre autour des jupes des femmes. Le lendemain, vers 5 heures, il se rendit dans Mount Street. Il s'était demandé d'abord s'il ne ferait pas mieux d'écrire pour demander une entrevue. Mais suivant le conseil de Pateroff, il se présenta et remit sa carte. Madame Gordeloup était chez elle, et au bout de quelques instants, Harry, se trouvant dans son salon, reconnut la dame qu'il avait vue chez Lady Ongar. Il lui serra la main avec vivacité et le fit asseoir près d'elle sur le canapé. Elle était enchantée de le voir, lui, un ami de sa chère Julie. À ce propos, savait-il que Julie était à la campagne, dans son beau parc, dans sa grande et magnifique résidence? Là-dessus, elle entra dans des détails innombrables. Sophie Gordeloup ne ressemblait en rien à son frère. Nul ne l'eût prise pour une Anglaise, bien qu'il fût difficile de dire, d'après son accent et ses traits, à quelle nation elle appartenait. Elle parlait l'anglais avec volubilité, mais chaque mot qu'elle prononçait trahissait son origine étrangère. Et plus elle voulait parler vite, plus son langage était incorrect. Elle était petite, alerte et vive, et paraissait aussi empressée à parler que son frère était silencieux et réservé. Elle habitait un petit appartement au premier étage d'une maison et paraissait vivre seule. À peine avait-il été avec elle quelques instants, qu'elle lui avait raconté toute son histoire avec des détails minutieux. Son mari vivait encore, mais il était à Saint-Pétersbourg. Il était d'une famille française, mais il était né en Russie. Il avait été attaché à l'ambassade russe à Londres et maintenant il avait un rôle diplomatique en Russie. Elle n'allait pas le rejoindre parce qu'elle aimait tant l'Angleterre. Peut-être son mari reviendrait-il un jour auprès d'elle. Elle aurait pu ajouter qu'elle ne l'avait pas vu depuis 10 ans, et qu'elle ne savait guère s'il était mort ou vivant. Elle aurait pu dire aussi qu'elle-même était un espion au gage de la Russie. C'était du moins l'avis de tous ceux qui la connaissaient intimement. Elle revint souvent sur son frère Édouard et son amie Julie. Donna à entendre qu'elle était au courant de tout ce qui s'était passé jadis entre Julie et Harry Clavering, et ne nomma jamais Lord Ongar sans employer à son égard les expressions les plus vives. « L'horrible monstre !» disait-elle, en appuyant sur tous les airs des mots qu'elle prononçait. Il trahit tout de suite son odieuse nature. Sans doute il avait fait une folie. Un vieux libertin a toujours tort de se marier. Qu'est-ce qu'il a pour son argent? Un joli minois. Mais il s'en dégoûte dès qu'il en est le maître. N'est-ce pas, monsieur Clavering? Et puis les autres s'éprennent de ce joli minois, et le mari devient jaloux. Oh, quant à Lord Ongar, il n'était pas jaloux. Il n'avait pas assez de cœur pour cela, l'affreux monstre qu'il était. Elle continua sur ce ton, racontant des choses telles que Harry sentait ses cheveux se dresser sur sa tête. Elle avait rejoint son frère à Paris, où ils avaient rencontré Lord et Lady Ongar. Elle prétendit même qu'elle et son frère n'avaient presque pas quitté les deux époux jusqu'à la mort de Lord Ongar. Mais Harry ne fut pas longtemps à s'apercevoir qu'il fallait en rabattre de tout ce que lui disait cette bavarde petite femme. Édouard, continua-t-elle, resta tout le temps avec Lord Ongar. Ils eurent une querelle au sujet de l'enjeu d'une partie d'écarté. Le misérable ne voulait pas se défaire de son argent, même quand il avait perdu. Julie avait été si bonne pour lui. Édouard et Julie avaient entouré de soins cet être odieux. Harry n'aimait pas entendre ainsi mêler ensemble les noms de Julie et du comte, bien qu'il ne lui vînt pas un instant à l'esprit de soupçonner Lady Ongar. Il sentait néanmoins que cette femme était dangereuse et que sa langue pourrait faire beaucoup de mal s'il disait des choses à d'autres qu'à lui. Tout en la considérant et en l'écoutant, il se demandait ce que Lady Ongar avait pu trouver en elle pour en faire son amie. Son frère avait les manières et menait la vie d'un gentleman, mais il ne savait quel nom donner à cette femme qui appelait Lady Ongar Julie. Elle ne ressemblait en rien aux ladies qu'il avait connues. « Vous savez, reprit-elle, que Julie sera de retour en ville la semaine prochaine ?»« Non, je ne savais pas l'époque de son retour. » Elle a affaire avec son homme de loi. Ces gens-là sont terribles, mais quand on a des milliers de livres de rente, il faut se résigner à ces inconvénients. Au moment où elle prononça d'un ton si accentué ces mots des milliers de livres sterling, mots qu'elle semblait presque savourer, Harry reconnut qu'elle était bien la digne sœur du comte. « J'irai la voir, » continua-t-elle aussitôt qu'elle sera de retour, « et je lui dirai combien vous avez été bon pour moi en venant me voir, sans compter qu'Edouard a dîné avec vous. C'est bien aimable de votre part. Il vous a trouvé charmant. » C'est le mot qu'il a employé. Harry savait à quoi s'en tenir, mais il la laissa dire. Édouard est très attaché à Julie, très attaché. Mais cela va de soi. Tout ce qu'on a dit était calomnie, invention gratuite de ce misérable lord. Et après tout, qu'en savait-il? À ces mots, Harry se prit à souhaiter de n'être jamais venu chez Madame Sophie Gordeloup. Sans doute, dit-il sèchement, c'était là des calomnies. Assurément, de telles affirmations sont toujours des mensonges et de coupables mensonges. Quel bien cela peut-il faire? Les mensonges ne font jamais de bien, dit-il. Madame Gordeloup n'était pas disposée à admettre sans restriction une proposition pareille. Elle se contenta de hausser les épaules et prit de nouveau cet air qui était familier à son frère. Ah, dit-elle, Julie est bien heureuse. 7 000 livres de rente, cela paraît à peine croyable, n'est-ce pas? Je n'ai jamais su le chiffre de son revenu. « Je vous dis qu'elle a cela, » reprit-elle avec vivacité, « sans compter la maison. Je le sais, c'est elle qui me l'a dit. Je vous le demande, quelle femme voudrait risquer une pareille somme? Et puis sa mort, à lui, ne pouvait pas tarder. Il est évident qu'on l'a calomniée. Je crois que vous la connaissez mal, Madame Gordeloup. Je vous demande pardon. Je la connais très bien, et je l'aime aussi, Monsieur Clavering, bien tendrement. N'est-elle pas charmante? Elle est si belle et a si grand air, et quelle fermeté! Voilà ce que j'aime dans une femme, quel courage! » Quand il l'appelait d'un nom que je ne répéterai pas, elle se contentait de le regarder, le misérable. Mais d'un regard, c'était sublime à voir. Là-dessus, Madame Gordeloup, se levant avec vivacité pour mieux compléter sa pensée, se mit à lancer à Harry un regard pareil à celui que Julie insultée, calomniée, avait jeté sur le lâche et vil lord expirant. Elle se remaria, dit Madame Gordeloup, changeant tout à coup le ton de sa voix, ce qui fit tressaillir Harry. Elle se remariera, cela va sans dire. Bobeuves anglaises se remarient toujours quand elles ont de l'argent. C'est un tort. Julie, elle aussi aura tort, mais elle fera la faute comme les autres. Je ne vois pas trop comment cela se pourrait faire, dit Harry, prenant un air naïf. Je vous le dis et j'en suis sûr, elle se remariera. Je le disais hier à Edouard. Il s'est contenté de sourire. Elle ne lui conviendrait guère. Elle a une volonté si absolue. Édouard, lui aussi, aime à faire sa volonté. Tous les hommes en sont là, je le suppose. Oui, mais voilà la difficulté. Si un homme fait tant que de se marier, une somme d'argent comptant vaudrait beaucoup mieux pour lui que le douaire d'une veuve. Supposez qu'elle vienne à mourir. Il se retrouve sans le sou. Elle aime le luxe, elle voudra dépenser tout son revenu. Est-elle beaucoup plus âgée que vous, Monsieur Clavering? Il va sans dire que je sais son âge, et peut-être ne le savez-vous pas. Que voulez-vous parier avec moi? Sophie, en disant ces mots, regardait Harry avec un sourire qui lui parut presque diabolique. Il ne pouvait songer à lui tenir tête dans la conversation, et il se hâta de prendre congé. « Vous viendrez, » lui dit-elle. « Venez, je vous en prie, vous me plaisez fort. Et quand Julie sera en ville, nous pourrons la voir ensemble, et je serai pour vous une amie, croyez-moi. » Harry était bien loin de la croire et ne tenait pas le moins du monde à son amitié. Avoir une telle femme pour amie. Quel homme ou quelle femme, se respectant, pouvait tenir à l'amitié d'une pareille créature? Telle était la réflexion qu'il faisait en s'éloignant, et tout le long de la route, il accusait vivement Lady Ongar, dont il répéta plusieurs fois le nom, se disant à lui-même que ce nom n'aurait plus de chance pour lui, puisqu'il avait été souillé par une langue aussi vile. Lady Ongar était son amie, elle l'avait dit, mais il ne pouvait se le dissimuler. Elle avait eu un grand tort de se lier étroitement avec une pareille femme. Sans doute, elle avait eu à traverser de redoutables épreuves pendant les derniers mois de la vie de son mari, mais désormais elle n'avait plus d'excuses pour accepter la fausse amitié de cette femme vulgaire et perverse. Quant aux calomnies proférées contre Lady Ongar, Harry y croyait moins que jamais, en dépit des insinuations perfides de Sophie et de son frère. Néanmoins, elle avait dû fréquenter bien mauvaise compagnie pour trouver en Angleterre de pareils gens qui se disaient ses amis. Le comte lui avait inspiré peu de sympathie, mais sa sœur lui était complètement odieuse. Il frappait la terre du pied, à la pensée que cette petite Polonaise avait osé lui offrir son amitié. Elle, son amitié, jamais fut-il sans autre ami au monde. Sophie, de son côté, avait l'esprit très occupé de Harry. Il lui inspirait de vives inquiétudes. Il se décida à suivre de près sa Julie autant qu'elle le pourrait. « Je serai l'ami de Clavering ou bien son ennemi. Cela dépendra de sa conduite, se dit-elle quand son visiteur se fut retiré. »